بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في الدرس الثالث والسبعين 73e leçon. في السؤال الخامس والستين بعد 500 565e question. من هم أفضل نساء العالمين؟ Qui sont les meilleures des femmes du monde? Qui sont les meilleures femmes du monde? Il s'agit de Fatima bint Muhammad صلى الله عليه وسلم وخديجة بنت خويلد وآسيا بنت مزاحم امرأة فرعون ومريم بنت عمران. Ce sont les meilleures femmes de l'univers. Wa dalil, c'est le hadith de Anas ibn Malik. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير النساء العالمين مريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسيا بنت أو آسيا امرأة فرعون وهي بنت مزاحم. Le hadith rapporté par Ibn Hibban. ثم قال في سؤال السادس وستين بعد 500 566e question. Man hiya sayyidatu nisa al-jannah, qui est la maîtresse des femmes du paradis, c'est-à-dire la femme qui a le plus haut rang au paradis. Il s'agit de Fatima radhiyallahu anha, mère de Rasoulillah sallallahu alayhi wa sallam. Et le dalil, c'est le hadith de Aïcha. Qalat aqbalat Fatimatu tamshi ka'anna mashiyaha mashiyu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ma tardina aw ma tardaina an takuni sayyidat an-nisa al-jannah. Donc Aïcha a dit que Fatima est venue en marchant, tout comme marche le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire la même démarche que lui. Et il lui a dit, Nabi sallam, n'agrées-tu pas d'être la maîtresse des femmes du Jannah? Et le hadith est mutafakun alayh. Car dans une version du hadith, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a donné un secret à Fatima dans l'oreille, et Aïcha a vu mais n'a pas entendu. Et après elle a vu Fatima pleurer, puis ensuite elle l'a vu rigoler. Donc après, elle lui demandait, pourquoi as-tu pleuré? Elle a dit, parce que le Nabi sallam a annoncé qu'il allait bientôt mourir. Et ensuite, elle lui a dit, pourquoi as-tu rigolé? Il lui a dit, il me semble qu'il allait la, parce qu'elle allait le rejoindre par la suite, et il me semble dans le hadith qu'il cite justement qu'elle était parmi les... qu'elle était la Sayyida des Al-Jannah, si je ne me trompe pas dans le hadith. وفي هذا المعنى ثم قال في السؤال السابع وستين بعد 500 567 question. من هي أعلم النساء, qui est la plus savante des femmes? Il s'agit de Aïcha رضي الله عنها. Et l'imam al-Zahabi dans son kitab al-Siyar, يعني أعلم النبلاء, il dit, لو جمع علم عائشة إلى علم جميع النساء لكان علم عائشة أفضل. Il a dit que si toute la science de Aïcha avait été réunie, elle aurait été meilleure que la science des femmes. Et كذلك, le Hafiz il a dit Afqah Nisa ala l'itlaq, elle est la plus savante des femmes dans l'absolu, catégoriquement. ثم قال في السؤال الثامن والستين بعد 500 568e question. Man hiya awwal nisa islama, qui est la première des femmes à s'être soumise à Allah Azza wa Jal, et ça on a déjà parlé, il s'agissait de Khadija bint Khuwaylid. Et même, voire même, elle est la première dans l'absolu à être en islam. La première. ثم قال في السؤال التاسع وستين بعد 500 569e question. Plutôt la afwan, on n'est pas celle-ci. سؤال 71 بعد 500 571e question. قال ما اخر الكلمات قالها النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته. Quelle est la dernière parole que le Nabi صلى الله عليه وسلم a prononcée avant de mourir? Et ça c'est dans le il a dit Allahumma fi rafiq al-a'la. Allahumma fi rafiq al-a'la. Oh Allah, dans le sens où il dit Inch'Allah, ça va venir dans la question qui vient après. Donc ça c'est dans le hadith de Aïcha mutawakkun ali, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était dans les affres de la mort, tayyib, qui a juste au dernier moment avant de mourir, il a levé sa main ou son doigt, comme elle dit rafa'a yadahu aw isba'ahu thumma qala fi rafiq al-a'la thalathan thumma qada, qu'il a dit trois fois fi rafiq al-a'la, puis après il décéda sallallahu alayhi wa sallam. Wal hadith mutawakkun ali. ثم قال في السؤال الثاني والسبعين بعد 500 572e question. من هم الرفيق الأعلى, qui sont ce qu'on appelle الرفيق الأعلى. Et il dit l'auteur selon une version que c'est les prophètes ainsi que les véridiques, les dhikoun, les shuhada, les martyrs, les salihoun, les gens pieux. Ça, c'est l'une des explications qui a été faite. Et d'autres ont dit que Ar-Rafiq al-A'la, c'est Allah Azzawajal lui-même. C'est Allah Azzawajal lui-même. Pour dire que Nabi Sallam voulait être avec lui. Et là, comme vous le voyez, ces questions-là, en réalité, auraient mérité d'être citées dans la partie qui touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça est privé. Certaines questions ont été mal classées, je trouve, dans ce livre. Bon, personne n'est parfait. C'est pas vraiment une erreur qui amène à délaisser la science du livre, c'est juste. Je ne sais pas, peut-être un ijtihad de l'auteur qui voit, ou une chose qui m'a échappé à moi. Quoi qu'il en soit, ce genre de questions paraissent comme étant plus en droit d'être mises dans le kitab précédent qui touchait à la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Wallahu ta'ala a'lam. ثم قال في السؤال الرابع والسبعين من خمسمية 574 question في أي بيوت أزواجه كانت وفاته dans quelle demeure de ses femmes est-ce qu'il mourut صلى الله عليه وسلم et c'est معروف في بيت عائشة dans la maison de عائشة رضي الله عنها comme dans le hadith de عائشة قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه Aina ana gadan, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dans la maladie qui lui coûtait la vie, il disait où suis-je demain, c'est-à-dire dans le fait qu'il ait changé de maison par rapport à ses femmes. Il disait où suis-je demain, où suis-je demain. Yuridu yum Aisha, fa azna lahu azwajuhu yakunu haythu ta'a, fa kana fi bayt Aisha hatta mata indaha. Donc c'est-à-dire en disant cela, en fait, il cherchait le jour où il était chez Aisha. Donc ses femmes, par miséricorde pour lui et par amour pour lui, elles lui ont accordé de rester chez Aïcha. Ou plutôt de là où il voulait aller. Qu'il était libre de choisir la maison où il voulait aller, et il a choisi la maison de Aïcha. Rapporté par Bukhari et Muslim. Regardez, c'est le fardel de ces femmes-là. Aujourd'hui, on aurait des femmes, elles seraient bâties, elles auraient jusqu'au dernier moment, non, c'est mon jour, il reste chez moi. Alors que là, elles ont bien vu. La preuve de leur amour pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam et leur respect en tant que messager, c'est qu'il choisit ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Et ça, c'est le marque d'amour. Alors qu'une femme qui dirait, moi, je veux qu'il soit chez moi. Même dans ce genre de situation, il ne va pas chez Foulaine, Kazakaza, ça c'est pas une marque d'amour, ça c'est une marque d'égoïsme. Elle ne voit pas le bien de son mari, elle voit son droit à elle qu'elle réclame. Et ces femmes-là étaient des gens qui voyaient beaucoup plus loin que cela. ثم قال في السؤال الخامس والسبعين بعد 575e question. هل جرد النبي صلى الله عليه وسلم من ثيابه عند تغسيله عندما مات؟ Est-ce que le Nabi صلى الله عليه وسلم a été déshabillé lorsqu'il s'est fait laver? Quand il est mort. Et il dit là, Rossila ou Ali Thiyab, où il était lavé et ses vêtements étaient sur lui. Et ça, c'est parmi sûrement ses spécificités. Min Khasa ici. Comme dans le hadith de Aïcha, que lorsqu'il est mort, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, les gens étaient dans le doute. Ils disent est-ce qu'on doit le déshabiller, comme on le fait pour l'un d'entre nous, ou comment est-ce qu'on agit. Et par la suite, ils virent en rêve, ils entendirent en rêve une voix qui leur dit justement de Nabi de laver le Nabi sallallahu alayhi wa sallam en portant ses vêtements. Et ils furent tous unanimes par la suite. Donc ils se rendirent auprès de lui. Farasaluhu Ali Kamisuhu, wa yasubun al mafouq al kamis, wa yudallikunahu bil kamis dun aydihim. Ils l'ont lavé avec son kamis sur lui, ils l'ont lavé en versant de l'eau sur lui, au sud du kamis. Et ils le frottaient au sud du kamis avec leurs mains. Le hadith Rahu Abu Daoud. ثم قال في السؤال السادس وسبعين بعد 576e question. أين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ Où est-ce qu'il est enterré? قال في حجرة عائشة والأنبياء يدفنون حيث يموتون. Donc il a été enterré dans la ghurfa de Aïcha. Dans la ghurfa de Aïcha. Car les prophètes sont enterrés là où ils meurent. Comme dans le hadith de Omar ibn Khattab. Ou plutôt dans le hadith de Aïcha, lorsque les gens divergèrent où est-ce qu'ils devaient enterrer le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, قال Abu Bakr al-Siddiq radiallahu anhu, ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه. Que Allah Azza wa Jal n'a jamais fait mourir un prophète si ce n'est à l'endroit où il souhaiterait qu'il soit enterré. Dans le lieu qu'il aimerait où ils sont enterrés. Le hadith Rawi al-Tirmidhi. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est enterré dans la chambre de Aïcha. Et contrairement à ce que pensent beaucoup d'ignorants, qu'il aurait été enterré dans le masjid al-Nabawi. Ça, ce n'est pas vrai. Il était enterré dans la chambre de Aïcha, qui à la base était à part du masjid. Et par la suite, le masjid a été agrandi, ce qui a fait qu'il a englobé la roulfa de Aïcha. Mais cependant, ils ont fait en sorte que sa tombe soit protégée, d'accord, qu'elle ne soit pas en sur l'arqibla, que les gens ne puissent pas commettre de shirkiya. Mais des gens aujourd'hui, comme les soufias, enterrent leur aouliya dans les masajid, se basant sur ce fait-là. Et ça, c'est une erreur gravissime. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été enterré dans le masjid. Et c'est une chose qui est interdite, comme Allah lui-même. Il a maudit les juifs et les chrétiens pour cela. Et Tarazu Kubur Anbiya'ahum, masajid. Qu'ils ont pris les tombes de leurs prophètes comme étant des masajid, des lieux d'adoration. C'est un hadith qui est clair, authentique. Et malgré cela, les gens l'enfreignent et transgressent. Wallahi azbillah. Naam. Donc, hadha allazi aradna al-yawm. Fabien, d'accord, n'a que ta fille. Walhamdulillah, amin.